Thank you. Thank you. salut, salut, salut, salut, salut, salut. La note de l'harmonica. J'ai essayé tous mes harmonicas, c'est pas la bonne. Sinon j'ai le si. Dans l'harmonica. C'est tout ce que j'ai joué. Jouer de l'harmonica en slip, je pense que c'est mieux. Oh yeah! T'as pas une basse, Ben, pour faire du bon vieux rock qui tâche? Attends. parle avec l'harmonica. Dans des beaux. C'est harmonica tomate. Bonjour. Un autre harmonica. Je vous fais une publicité pour Thomann. Le chromatique Thomann 40. Que j'arrive pas à ouvrir la boîte. Thomann ? Voici le chromatique Thomann 40. Tous les modèles. Ah, c'est chromatique. Okay. Ah, hey, du rock. Ah, là, ça c'est chromatique qui veut jouer du rock. Non, on est en do. La mer. Ça c'est le Thomann premier prix. Allez, hop, tac, tac, tac, toc. Arrête.